Allô? Allô? Son Excellence Richard Bruno Itoa, Yonatalian Elias. Boyo Kaningito Nzembeli, le leader de l'air, leader Simplice et Bata, Na Ingrid, Romy Oyo. Le président Malik Toué, l'empereur KKP, Moses Djenko, Karim Ouattara, Eric Didier. Le King Frank Nguema, Son Altesse Sidi Kanyansi. Ingrid maman, bongwan de chérie. Ingrid yona lingaka kobenga maman. Pona retrouva mote maman la mouya maman langay. Epaï na yo Ingrid. Yves Dembela, ambassadeur Bokolo Bango. Na lingi na koufa. Nandi mikoa, ma vanke na kufa na kende na tika mokilo yo, loba nanga encore. Je t'aime. Nandenga ba professionnel, po libere nga na kende en paix. De coeur di Kembers. Mais pourquoi olingi no pete ko libere ngai? Se ke na katia mote manayo, ba grava simplice bata. Surprenant qu'on a quelques fois dans le bureau pour comprendre que n'a les layo. T'as la ligne baby, ça y a mon thème à boy nana, mon oya bon moi nana, Simplice. Ah mon amour, Ingrid. Isidore Tchapoui. Ah mon amour, ah. Ah mon amour, je t'aime. Freddy Batanga, sécurité guard, Fédé Lop à l'industriel, René Yedieti, librairie de France. Jikin Komo. Mère à Grasse, Mama Irmi, Mama Nakoko, Jennifer Genevieve, Christopher Nayan Kenya. Le petit-fils de son grand-père, les Imboigny, président Chop Chop à Douala. Na rénové bolingo, na ne pas ya chéri na na. Tony, c'est la semo colo bonere copesangana yo. Fatou Nabitch, Mac Dedi Malambo, H2O.